بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، on est au troisième cours de l'Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, avec l'explication du noble Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Et on avait vu des chapitres après l'introduction sur l'importance d'étudier ce ilm de l'ilm al-Adab wal-Akhlaq. On avait vu des chapitres ayant trait aux parents. Et donc on avait vu Babu Qawli Ta'ala wa wassayna al-insana bi walidayhi ihsana. Ensuite on avait vu Babu Birr al-Umm. Et puis on avait vu aussi, et c'était le dernier chapitre qu'on avait vu, c'était Babu Birr al-Ab. Et aujourd'hui bi'inillah Ta'ala, on est à Babu Lin al-Kalami li walidayhi. Donc le même le Bukhari rahimahullah, dans son Al-Adab al-Mufrad, ici c'est le chapitre de la parole douce avec les parents. Et il dit: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيصلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال ليست هذه من الكبائر، هي هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال ابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إيه والله. قال: أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لا تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والحديث حديث صحيح. Qu'est-ce que nous dit l'imam al-Bukhari rahimahullah dans ce magnifique texte ici? Eh bien, c'est que Moussaddad nous a rapporté d'après Ismaïl ibn Ibrahim. Évidemment, les termes qu'on dit ici à chaque fois d'après ou il a rapporté, ce n'est qu'une traduction approximative. On a déjà expliqué la différence entre Haddath et Akhbarana. On ne va pas l'expliquer à chaque cours. Donc, Moussaddad nous a rapporté d'après Ismaïl ibn Ibrahim, d'après Ziyad ibn Mikhraq, d'après Taysalat ibn Mayyas qui dit: j'étais avec Al-Najdat. Alors, c'est quoi Al-Najdat? Il faut faire un point là-dessus. Il a dit: Kuntum Al-Najdat. C'est-à-dire les compagnons de Najdah ibn Amir al-Hanafi. Et parmi leurs fondements à eux, ils disaient ces gens-là que celui qui ment un petit mensonge ou commet un péché mineur et persiste dessus, eh bien pour eux, il était mécréant, mouchrik, kafir, mouchrik, polythéiste, et de même au sujet des péchés majeurs. Et ils ont dit: ceux qui commettent des péchés majeurs parmi eux ne sont pas mécréants, tandis que les autres qui commettent des péchés majeurs sont mécréants. Alors si vous voulez une référence, voir al-Fasl d'Ibn Hazm, volume 5, page 195. Alors évidemment, on connaît la croyance d'Ahl Sunna al-Jama'a que celui qui fait un grand péché, un péché majeur, qui ne s'en repentit pas et qui meurt là-dessus, eh bien il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah, on en a parlé plusieurs fois, si Allah veut, il lui pardonne par miséricorde de sa part, et s'il veut, il lui punit par justice de sa part, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce que ces gens-là disent, ce n'est pas correct. Si quelqu'un ne croit pas que le grand péché, que ce péché-là est licite, ce qu'on appelle l'istihlal, il ne fait pas l'istihlal, alors ce n'est pas un kafir. Ce n'est pas parce qu'il fait un grand péché, un péché majeur comme riba ou zina, etc., que ça devient un kafir. Sa foi le diminue, mais ça ne devient pas un kafir. C'est ce que les ulama appellent le fasiq al-milli, c'est-à-dire le fasiq qui fait toujours partie de la religion de l'islam. À la kulihal, il dit: j'étais donc avec les Nejdat. On a expliqué c'est qui ces gens-là, Nejdat. Et j'avais commis des péchés que je ne considérais pas autrement que des péchés majeurs. Et j'ai mentionné cela à Ibn Omar, c'est-à-dire Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar, le noble compagnon, fils de Omar Ibn Khattab, radiallahu anhuma, qui dit, et quels sont-ils? C'est-à-dire Ibn Omar lui a dit, quels sont ses péchés? Je répondis, ceci, cela. Il lui a dit, tel péché. Ici, dans la riwaya, ça n'a pas été cité parce qu'il n'y a pas d'intérêt à citer les péchés, parce que le but ici, c'est de rapporter ce qu'Ibn Omar a dit au sujet des péchés. Et par rapport à l'importance d'être bon envers la mère et de bien parler envers la mère. Et c'est ce qui convient ici, justement, c'est de ne pas être spécifique au niveau des péchés. Il dit, ce ne sont pas des péchés majeurs. Donc c'est la réponse d'Abdullah ibn Omar quand il lui a dit les péchés. Et que lui, il pensait que c'était des grands péchés. Ibn Omar lui dit, non, ce ne sont pas des péchés majeurs. Ces péchés majeurs, ils sont au nombre de 9. Et puis il a cité les péchés majeurs. Al-Kaba'ir. Il lui a dit, associé à Allah, tuer quelqu'un, fuir le combat lorsqu'on marche vers l'ennemi, ce qu'on appelle en arabe, al-firar ou min al-zahf. Lorsqu'on marche vers l'ennemi, fuir le combat. Ensuite, calomnier de fornication la personne chaste. Qadful muhsana. Alors ici, quand on dit la chaste, ou la personne muhsana, eh bien ça peut être une femme ou un homme. Et ça c'est d'ailleurs... selon l'unanimité des savants. Ce n'est pas parce qu'on calomnie un homme qu'on ne rentre pas dans cette interdiction-là. Et ça peut être aussi une femme mariée ou une femme vierge. Donc selon l'unanimité des savants aussi. Voir Al-Fath d'Ibn Hajar, volume 12, page 181. Consommer l'argent de l'usure, de riba. Consommer l'argent de l'orphelin. Ce n'est pas un cours de fiqh ici, donc il faut revenir au ulama concernant ce point-ci. Qui, quand il détaille dans le livre de fiqh par rapport à Mal Yatim. L'injustice et l'inimitié à la mosquée, pousser autrui à un travail sans salaire ou se moquer d'autrui. Ici en arabe, il est dit Walladi estesrir, celui qui se moque. Ou, ça peut être compris de différentes manières ici, c'est celui qui pousse autrui à un travail sans salaire, et ça peut être compris aussi comme se moquer d'autrui. Alors certains parmi les gens de science ont regroupé les deux sens en disant que pousser autrui un travail sans salaire est une manière de se moquer de lui. Et puis, et c'est ça le shahid ici, on avait dit tout à l'heure que quand on rapporte une preuve, il faut comprendre pourquoi on a rapporté de preuve, c'est quoi l'angle d'argumentation ici, et c'est quoi le témoin argumentatif dans le texte ici, shahid min an-nas, et c'est quoi il dit, et les pleurs des parents en raison de la désobéissance de leur enfant. Puis on continue dans le témoin argumentatif ici, Ibn Omar me dit, as-tu peur du feu de l'enfer et aimerais-tu entrer au paradis? Je répondis, oui, par Allah. Ici en arabe, il a dit, i wallah. Hein, et i, yani, c'est ce qui vient souvent comme une affirmation avant le fait de jurer, i wallah. Oui, par Allah. Il dit alors, et c'est Ibn Omar qui lui pose la question, il lui dit, est-ce que tes parents sont encore vivants? Il répondit, j'ai ma mère, c'est-à-dire que ma mère, elle est toujours vivante. Alors Ibn Omar, il lui a dit, et écoutez ce qu'il a dit, c'est ça qui nous importe ici dans ce texte, par rapport à ce qu'on essaie de montrer dans ce chapitre, eh bien c'est, par Allah, c'est-à-dire qu'il jure, فَوَاللَّهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامِ وَطَعَمْتَهَا الطَّعَامِ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرِ. Si tu étais doux en parole envers ta mère, et la nourrissais, tu entrerais certes au paradis, tant que tu t'écartes des péchés majeurs. Alors comment Cheikh Zayed nous explique ce passage ici? Il dit هذا الاثر فيه فتوى اهل العلم والحكمة والحلم وانهم لا يقنطون الناس من رحمة الله ويعلمون ان افضل الاعمال التي يتقرب بها العبد الى الله عز وجل من حقوق الخلق بر الوالدين الذي يتجلى في طعامهما الطعام عند الحاجة وفي لين الكلام وفي المواساة وقضاء الحاجات والحقيقة أن الولد لا يكلف أولاده أن الوالد لا يكلف أولاده سواء كانوا ذكورا أم إناثا ما يشق عليهم ويعنتهم بل ربما يرأف بهم أكثر من رأفتهم بأنفسهم كما هي طبيعة الإنسان البشري بل طبيعة حتى الحيوان فإن الحيوان يرفق بولده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة إلى أهل الأرض يتراحمون بها حتى إن الدابة لا ترفع حافرها خشية أن تطأ ولدها وهذه من الرحمة فكيف بالإنسان الذي أعطاه الله العقل وأعطاه القلب وأعطاه من الفهم ما لم يكن لغيره من المخلوقات فهو أزكاهم عقلا وأثقلهم حملا. Il y a dans ce athar, cette parole de Nu'mar ici, la fatwa donnée par les gens de science et de sagesse et de réflexion. Et qu'ils ne font pas désespérer les gens quant à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent que le meilleur acte d'adoration par lequel les gens se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les droits des gens, eh bien c'est quoi? C'est la bonté envers les parents, qui se manifeste dans le fait de les nourrir, lorsque cela est nécessaire, et dans la douceur des paroles, et c'est ici le titre du chapitre, et dans le réconfort, et en s'acquittant de leurs besoins. La vérité, c'est que le père ne charge pas les enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, d'une charge qui leur pèse et qui leur soit difficile, mais de plus peut-être qu'il est même plus clément envers eux qu'ils ne le sont envers leur propre personne, comme c'est la nature humaine, mais de plus la nature des animaux, car les animaux sont doux envers leur progéniture. Comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, Allah a certes 100 miséricordes. On va revenir sur ce point-là, inshallah. Allah azawajal a certes 100 miséricordes, dont il en a fait descendre une seule pour les gens sur terre, qu'ils soient miséricordieux entre eux, à tel point que même la bête lève son sabot de peur de piétiner son petit. C'est un hadith authentique. Alors ici, il convient de faire un point d'abord par rapport à la parole « Inna lillahi mi'ata rahma ». Ici, c'est-à-dire la miséricorde qu'il a placée chez ses serviteurs et qui est créée. Tandis que la miséricorde qui est l'un de ses attributs, dans ses fatihs, elle est relative à son essence exaltée soit-il. La miséricorde divisée en ce nombre, ici, comme c'est expliqué dans le hadith, est donc la miséricorde relative aux actes qui suit sa volonté exaltée soit-il. Car elle est créée et peut se diviser. Quant à la miséricorde qui est l'un de ses attributs, elle est liée à son essence exaltée soit-il et ne peut être divisée. Ceci fait partie de la miséricorde, cher Zaydidi. Qu'en est-il alors de l'être humain à qui Allah le Très-Haut a donné une raison, il lui a donné un cœur, il lui a donné une compréhension qu'il n'a pas donné au reste des créatures? Il est donc le plus pur en termes de raison et le plus lourd en termes de portée. Alors quels sont les points à retenir de ce hadith ici, ou du athar qu'on a cité? Eh bien, Cheikh Zayd dit, rahimahullah ta'ala, وَالْخُلَاسَةُ لِهَدَ الْحَدِيثِ تَتَجَلَّ فِي مَا يَلِي. Le résumé de ce hadith se fait dans les points suivants, et on va en citer quatre, inshallah. أَوَّلًا مَشْرُعِيَةُ السُّؤَالِ عَنْ مَسَائِلِ الْعِلْمِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا إِلَّا الْعَالِمِ. Le premier des points à retenir ici, c'est le caractère légiféré de questionner sur des sujets de la science religieuse. Et il n'est permis de questionner à ce sujet que le savant. Deuxième point, وجوب الخوف من الذنوب التي يترتب عليها العقوبات العاجلة والآجلة وأن منها كبائر ومنها صغائر محقرات وبعد البيان أن الكبائر ذات خطر عظيم فيجب الحذر من الوقوع فيها. Deuxième point à retenir ici, c'est l'obligation d'avoir peur des péchés qui ont pour conséquence les châtiments dans la vie présente et dans la vie future. Et il y a parmi ces péchés des péchés qui sont majeurs et des péchés qui sont mineurs, tout en mettant en évidence que les péchés majeurs sont un grand danger et donc il convient d'être sur ses gardes quant au fait de les commettre. Troisième point ici, وَجُوبُ الْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ وَخُصُوصًا الْأُمِّ لِمَا لَهَ مِنْ عَظِيمِ الْحُقُوقِ. On en a déjà parlé, mais ici c'est encore un rappel par rapport à ça. Eh bien, c'est l'obligation de la bonté envers les parents, et de manière plus spécifique, la mère, en raison de ce qu'elle a comme droit très important, mais le droit du père n'est pas pour autant lésé, il n'est lésé en rien. Quatrièmement, dernièrement par rapport à ce passage, بيان أن بر الوالدين بر الوالدين من الأسباب العظيمة لدخول الجنة. La mise en évidence que la bonté envers les parents fait partie des causes les plus importantes d'entrer au paradis. On continue dans le livre, inshallah. Le passage suivant, l'imam Bukhari, rahimahullah, il dit, حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة سورة الإسراء قال لا تمتنع من شيء أحباه وهو صحيح الإسناد. أبو نعيم nous a dit que Soufiane a dit que Hisham bin Urwa a dit d'après son père qui dit et par miséricorde, c'est-à-dire c'est la traduction du sens de Sourate al-Isra verset 24, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Il dit, ne te refuse pas à quelque chose qu'ils aiment tous les deux, les parents. Et ça, sa chaîne de transmission, elle est authentique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Zayd, il explique cela, rahimahullah ta'ala, il dit, « هذا من معاني خفض الجناح وأنه لا يمتنع الولد من شيء أحبته الأم أو أحبه الأب بل يقضي حاجتهما ما دامت الحاجات في محيط الشرع. Ceci fait partie du sens d'abaisser ses ailes, comme c'est dit dans le verset. Et c'est que l'enfant ne se refuse pas à quelque chose que la mère aime ou que le père aime. Mais de plus, il s'acquitte de leurs besoins tant que ces besoins sont dans les limites de la législation islamique. Tant que cela ne sort pas des limites de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il rapporte une parole intéressante de Ibn Kathir dans son tafsir par rapport à ce verset. Il dit ورحم الله ابن كثير إذ قال في تفسير هذه الآية والتي قبلها ما نصه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Car la face miséricorde d'Ibn Kathir, rahimahullah, qui dit dans son exégèse de ce verset et de celui qui le précède, Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens, « Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point en arabe « ouf », en français traduit ça par « fi », et ne les brusque pas. Mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Sourate l'Isra, verset 23-24. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له فإن القضاء هنا بمعنى الأمر. Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, il dit cela ordonnant son adoration lui seul, sans rien lui associer. Car le décret ici a ici le sens d'ordre. Waqada. Et Allah a décrété, c'est-à-dire ici, et Allah a ordonné. Mujahid d'ailleurs, il a dit, il a décrété wassa, c'est-à-dire, qada, pardon, il a dit wassa, c'est-à-dire il a enjoint. Il a décrété, ça veut dire il a enjoint. Qala Mujahid, waqada, yani wassa, waqada qara'a. أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والضحاك بن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا أي وأمر بالوالدين إحسانا كما قال في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير من سورة لقمان. Mujahid, justement, il a dit, comme on l'a déjà cité, il a décrété, c'est-à-dire il a enjoint. De même, on récitait Ubay ibn Ka'b et Abdullah ibn Saoud et Ad-Dhahhak ibn Muzahim. وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Et ton Seigneur a enjoint n'adorer que lui. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a joint à son adoration ici dans le verset la bonté envers les parents. Et il a dit, ce dont la traduction du sens est marqué de la bonté envers les pères et mères. C'est-à-dire, et il a ordonné la bonté envers les pères et mères, comme il a dit dans l'autre verset. Dans la traduction du sens est, et c'est Sourate Luqman verset 14, « Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. » لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا تنهرهما أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله ولا تنهرهما أي لا تنفض يدك على والديك. Et sa parole, dans la traduction du sens est, si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf, ne leur dis point fi. C'est-à-dire, ne leur fais pas entendre une mauvaise parole, et si, même si ce n'est que le ta'fif, c'est-à-dire le fait de dire ouf, qui est le degré le plus bas des mauvaises paroles, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous de dire ouf aux parents. Et ne les brusque pas. وَلَا تَنْهَرْهُمَا C'est-à-dire que n'émane pas de toi une action laide, comme l'a dit Atta ibn Abi Rabah au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne les brusque pas. C'est-à-dire ne secoue pas tes mains vers tes parents. Et ici justement, Cheikh Zayd il continue en disant وَلَمَّا نَهَاهُ عَنِ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ وَالْفِعْلِ الْقَبِيحِ أَمَرَهُ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْفِعْلِ الْحَسَنِ فَقَالَ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أي لَيِّنًا طَيِّبًا حَسَنًا بِتَأَدُّبٍ وَتَوْقِيرٍ وَتَعْظِيمٍ. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit les mauvaises paroles et les actions laides, il lui a ordonné de dire les bonnes paroles et de faire les belles actions. Et il a dit, c'est dans la traduction du sens est, mais adresse-leur des paroles respectueuses, c'est-à-dire des paroles douces, bonnes et belles avec politesse et respect. Et par miséricorde, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ أي تَوَاضَعْ لَهُمَا بِفِعْلِكَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا أي فِي كِبَارِهِمَا وَعِنْدَ وَفَاتِهِمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Et comme il lui a interdit les mauvaises paroles, les actions laides, il lui a ordonné de dire les bonnes paroles et de faire les belles actions. Il a dit, ce dont la traduction du sens est, mais adresse-leur des paroles respectueuses, c'est-à-dire des paroles douces, bonnes et belles, avec politesse et respect. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, c'est-à-dire sois humble envers eux par tes actions. Et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, c'est-à-dire pendant leur vieillesse et à leur mort, comme ils m'ont élevé tout petit. On continue dans ce qu'a dit l'imam al-Bukhari rahimahullah, c'est un nouveau chapitre qu'on va pas terminer aujourd'hui, mais on va déjà en faire une partie, inshallah. Babu jaza'i al-walidayn. Haddathana qabisa qal haddathana Sufyan an Suhayl ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurayra radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal la yajzi walad walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtarihu fayu'tiqahu. Wa hadha sahih. Chapitre de la rétribution aux parents. Qabisa a rapporté d'après Soufiane, d'après Suhayl ibn Abi Salih, d'après son père, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un enfant ne pourra jamais rétribuer son père, sauf s'il le trouve à l'état d'esclave, et donc le rachète, puis l'affranchit. » Et ce hadith, il est authentique. Comment explique cela Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah? Il dit « Hada al-hadith fihi bayanun » لعظم حق الوالد مهما بذل الولد من معروف وإحسان إليه فإنه لا يستطيع أن يجزي والده لا الأب ولا الأم ولكن يمكن أن يجزيه إذا وجده عبدا مملوكا فبدل فيه الغالي والرخيص حتى ينقله من الرق إلى الحرية وهذا من خير البر الذي يقدمه الولد لوالده وكذلك الأم بل حقها أعظم. Il y a dans ce hadith une mise en évidence de la haute importance du droit du père. Quoi que l'enfant fasse en termes de bienfaisance et de ce qui est convenable envers son père, il ne sera jamais capable de rétribuer son père, ni même sa mère, mais il peut le rétribuer s'il le trouve esclave et dépense ce qu'il y a de plus cher afin de l'affranchir de son état d'esclavage. Ceci fait partie des meilleurs actes de bonté qu'un enfant peut faire envers son père. Et de même la mère, mais de plus son droit est encore plus grand, comme tu as pu le voir dans les textes précédents, et Allah est le plus savant. Pour les frères et les sœurs qui n'ont pas assisté au cours précédent, ils sont tous en audio et en écrit et sur notre site merkazfurqan.be. Parce que Cheikh ici, il fait référence à des textes qu'on a déjà expliqués dans les deux premiers cours. On continue dans la parole de l'imam Bukhari, rahimahullah, il dit « Haddathana Adamu, qala haddathana Shu'bah, qala haddathana Sa'id ibn Abi Burdah » قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. وهو صحيح الإسناد. Qu'est-ce que nous dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ? Il nous rapporte encore ce magnifique récit ici. Adam nous a rapporté d'après Shu'ba, d'après Saïd ibn Abi Burda, qui dit « J'ai entendu mon père dire qu'il a vu ibn Omar, le noble compagnon ibn Omar, radiallahu anhu arda, ou an Abi. » Alors qu'un homme yéménite faisait le tawaf autour de la Kaaba, portant sa mère sur son dos. Et il disait ces vers de poésie, évidemment c'est très difficile de traduire la poésie arabe, mais on va essayer de traduire au moins le sens. Si on n'en traduit pas la puissance, au moins qu'on en traduise le sens. En tout cas, une approximation du sens. Je suis pour elle sa monture dressée. Si sa monture qu'elle monte s'enfuit, eh bien moi je ne m'enfuirai pas. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un genre de métaphore, si vous voulez, pour exprimer sa grande obéissance envers sa mère et sa diligence à être bon envers elle. Et qu'il ne grogne pas, ni ne se plaint, il ne se plaint pas d'être à son service. C'est pour ça qu'il a dit en arabe, ces vers de poésie où il dit « Inni laha ba'iruha al-muzallalu in ud'irat rikabuha lam ud'ari » Donc, Cheikh Zayd, il explique cela en disant, d'abord on continue le texte, pardon, puis il a dit « Oh Ibn Omar, vois-tu que je lui ai montré ma gratitude à sa mère, c'est-à-dire que je l'ai rétribué par rapport à ce que tout l'a fait pour moi avant, que je l'ai rétribué. » Il répondit, non, même pas pour un seul zafra, zafratil wahida. Zafra, on peut traduire ça en français par le gémissement. Et les ulama disent que le plus grand gémissement, c'est justement lors de l'accouchement. Et même un des gémissements, eh bien, tu l'as pas remboursé, tu l'as pas rétribué pour ça. Puis Ibn Omar fit le tawaf et arriva au maqam et pria deux unités de prière, puis dit, ô fils de Abu Moussa, toutes les deux unités de prière expient ce qu'il y a devant elles. Et ça, c'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Cheikh Zayd explique ce dernier passage pour aujourd'hui, Inch'Allah. هذا الحديث فيه بيان فضيلة بر الوالدين كالأحاديث السابقة التي رأيتها وسمعتها في هذه الدروس وبيان أن الولد مهما أسدى من معروف وقدم من جميل والديه أو أحدهما فإنه لا يستطيع أن يوفي حقهما ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. Il y a ici dans ce hadith la mise en évidence du mérite de la bonté envers les parents, comme les hadiths qui y ont précédé et que tu as pu voir et entendre dans ces cours. Et la mise en évidence que l'enfant, quoi qu'il fasse comme acte de bonté et belles actions envers ses parents ou l'un de ses parents, il ne sera pas capable de les gratifier dans leurs droits, de les rétribuer. Mais l'affaire est, comme l'a dit le prophète, cherchez l'exactitude ou rapprochez-vous-en. Et en réjouissez-vous. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à le faire complètement, au moins tu essaies de te rapprocher alors de ça. Puis le cheikh continue de dire في الحديث دليل أيضا على عظم أجر الصلوات الرواتب والنوافل وما فيها من الأجر العظيم فركعتان يقوم بهما الإنسان من ليل أو نهار فطوعا يكفر الله عز وجل بها ذنوبه ما اجتنبت الكبائر وتكون سببا أيضا في التخلص من كبائر الذنوب فالحسنات تذهب السيئات كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات من سورة هود والحسنة تجر الحسنة بعدها وإذا اعتاد الإنسان كسب الحسنات يقل شره ويكثر خيره فالصلاة بفرائدها ونوافلها مفتاح لكل خير وهي أفضل عمل يتقرب به العباد إلى الله تبارك وتعالى فرائد ونوافل حيث إنها أفضل العبادات العملية أجرا وعائدة بالخير على صاحبها في الدنيا والبرزخ والآخرة وذلك بعد توحيد رب العالمين في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. Il y a aussi dans ce hadith la preuve de l'immense récompense des prières, ce qu'on appelle les prières rawatib ou bien les prières nawafil, On peut traduire ça de manière très approximative en disant que les rawatib, ce sont les prières surrogatoires liées aux cinq prières. Et puis il y a les nawafil, c'est celles qui ne sont pas liées, elles sont surrogatoires, donc pas obligatoires prescrites. Elles sont surrogatoires, on peut les faire en plus, c'est pas obligatoire, mais elles ne sont pas liées celles-ci aux cinq prières. Donc tout ce genre, toutes ces prières-là, ce sont les prières qui ne sont pas les cinq prières quotidiennes obligatoires. Ne sont pas toutes les prières, mais en tout cas, ce sont des prières qu'on peut faire en plus des cinq prières prescrites obligatoires quotidiennes. Puis il continue, il dit deux unités de prières que la personne prie la nuit ou le jour en plus de ses cinq prières obligatoires. Allah le Très-Haut lui expie par cela ses péchés, à l'exception des péchés majeurs. Et ces prières sont également une cause que cette personne se débarrasse de ses péchés majeurs. Pourquoi? Car les bonnes actions font partir les mauvaises actions. Comme Allah dit dans sa parole, dans la traduction du sens est, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Sourate Hud, verset 114. Et la bonne action amène la bonne action après elle. Elle l'attire. Une bonne action, elle tire une autre. Et si la personne prend l'habitude de faire des bonnes actions, alors son mal diminue et son bien augmente. Donc la prière avec ses prières obligatoires et ses prières surrogatoires sont une clé vers tout bien. Et cette prière est la meilleure des actions par lesquelles les serviteurs peuvent se rapprocher d'Allah le Très-Haut. Les prières obligatoires et les prières surrogatoires, car elles sont les meilleurs actes d'adoration en termes de récompense et qui reviennent en bien à la personne dans ce bas monde et dans le barzakh et dans l'au-delà. Il y a la vie de ce bas monde, il y a la vie dans l'au-delà et puis il y a la vie du barzakh. Que Cheikh Ben Baz explique de manière très résumée en disant que, à partir du moment où tu te mets dans ta tombe, eh bien, de ce moment-là jusqu'au Yom Qiyamah, eh bien, c'est ça la vie du barzakh, c'est ça le hayat al-barzakhiyah. C'est ça ta vie du barzakh. Et cela après l'unicité du Seigneur des mondes dans sa seigneurie et dans sa divinité et dans ses noms et attributs, c'est-à-dire dans les trois catégories de tawhid, d'unicité que vous connaissez sûrement, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, et tawhid al-asma wa sifat, l'unicité de seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa divinité et l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Avec cela, on a fini le cours pour aujourd'hui. Donc, comme on avait promis, plus ou moins entre 30 et 40 minutes. Bismillah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wallahu alam. Wa subhanaka allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc, le prochain cours, bismillah ta'ala, c'est demain à 21h, demain lundi, inshallah. Et c'est An-Nasiha al-Waladiyya de l'imam Abu al-Walid al-Baji, rahmatullah alayh, qui l'a fait à ses deux fils. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.